Bonjour et bienvenue au musée d'histoire. Je vais être votre audioguide pour votre visite. Bonne écoute. 9 juin 2023, les conflits de la Deuxième Guerre froide de 2022 persistent et atteignent leurs apogées en juin 2023. Le 9 juin, dans les alentours de 21h30, un officier russe réussit à obtenir les codes nucléaires des États-Unis. Mais en envoyant ces informations à ses compatriotes, le message se fait intercepter. Ne sachant pas si le message a été stoppé avec succès, les Américains se préparent pour le pire. Des messages sont envoyés à la population américaine pour les prévenir. 10 juin 2023, toute la journée, les habitants de grandes villes américaines peuvent entendre les sirènes d'alerte. Le chaos et la panique prennent rapidement place. La nouvelle se répand rapidement, et en quelques heures, le monde entier est mis en alerte. Partout sur la surface de la Terre, on peut observer la terreur sur le visage des innocents. Certains se préparent pour le pire, d'autres vivent le plus de ce qu'il leur reste à vivre tandis que d'autres, étant plus croyants, font des rituels religieux pour se faire épargner. Du côté des Russes, les grandes villes avaient déjà les infrastructures pour survivre. Après la Première Guerre froide, les Russes ont fortement investi dans leur système de transport. La réponse, les métros. Moscou, connue pour ses grands et luxueux métros, n'avait pas construit ses tunnels souterrains aussi grands pour montrer du luxe. Ils ont été construits de cette manière par prévention, dans l'éventualité que la populace devait s'abriter sous terre. Heureusement, les Russes n'étaient pas les seuls à se cacher sous terre. 11 juin 2023, après le stress du 10 juin, l'espèce humaine se divise en deux. Ceux qui sont restés cachés et ceux qui pensaient que la menace nucléaire était une erreur, un mensonge. Ces derniers sont retournés à la surface. Mais rapidement ils l'ont regretté. 11 juin 2023, 8h47. Le ciel allait leur tomber sur la tête. Des bombes nucléaires avaient été lancées. La cause du premier lancement reste encore inconnue à ce jour. Quelques minutes après la première bombe, les pays possèdent des armes nucléaires, ont suivi. Complot ? Peur ? Dernier recours ? Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui sont restés cachés sous terre sont devenus les derniers humains de la planète bleue. 24 septembre 2043, un peu plus de 20 ans après la tombée des bombes. L'humanité a réussi à survivre. Jusqu'à maintenant, le 24 septembre 2043 marque le premier jour où qu'humain remet le pied sur la surface. Évidemment, il n'y a qu'un seul homme qui se dirige à la surface. Ne sachant pas s'il va pouvoir survivre, il se dirige vers la sortie du métro dans lequel il a vécu toute sa vie. Humain n'était pas retourné sur la surface, mais de nouvelles espèces animales affectées par les radiations sont venues les attaquer. Avec cela en tête, le volontaire sort des métros pour la première fois de sa vie. Il fait quelques pas et entend les grandes portes de métal se refermer. Aujourd'hui 19 janvier 3306. Présent devant vous, se trouvent les restes de l'équipement de l'un de ces explorateurs du monde nucléaire. Son casque fut utilisé pour se protéger des chocs et des attaques, mais aussi pour se camoufler dans le paysage de l'hiver nucléaire. Le masque à gaz servait à filtrer l'air qu'il ou elle respirait. Les deux objets sont fortement abîmés et ont dû recevoir plusieurs réparations. Son sac à dos était un objet essentiel, car il permettait de transporter le matériel nécessaire à sa survie. Composé de plusieurs autres sacs, cet assemblage de tissus a vécu plusieurs aventures et a, comme vous pouvez le voir, été réparé avec les matériaux que l'on avait sous la main. Finalement, voici quelques objets que nos historiens ont retrouvés un peu partout dans les ruines des métros. Ces objets avaient tous une utilité, comme le kit de couture qui sert à faire des réparations, ou même la couverture qui servait à se réchauffer dans le froid de l'hiver nucléaire.